comment être enfin heureuse. En observant les gens qui déambulent dans la rue, je ne peux m'empêcher de penser que peu sont vraiment heureux. J'en conclus qu'il y a de fortes probabilités que tu sois comme eux. Je te vois venir. Tu vas me dire que c'est normal en ce moment à cause du contexte social, de la météo et je ne sais quoi d'autre. Ok. La vie n'est pas facile tous les jours, mais ça roulerait bien mieux si tu te réjouissais de ce que tu as, au lieu de te lamenter par rapport à ce que tu ne posséderas jamais. Donc, pour trouver le bonheur, il faut sourire à la vie, accepter qu'il y a des jours avec et des jours sans, et surtout, cesser de te plaindre à tout va. Ensuite, il te faut écouter ton corps et ton instinct, même si ça ne cadre pas forcément avec le mode de vie de ton entourage, et qu'il te paraît certainement plus simple de rester dans l'enclos avec les autres moutons. C'est bien connu, l'appartenance à un groupe, ça rassure. C'est pourquoi il est difficile pour certains de faire sauter le verrou. Et pourtant, le bonheur est dans la différence, car comme pour le plaisir, il est propre à chacun. D'où l'intérêt d'oser suivre tes envies. Tu peux me regarder avec tes gros yeux, mais pour mieux comprendre, je te conseille d'ouvrir tes deux oreilles. Pour commencer, ce n'est pas en suivant le troupeau que tu vas t'épanouir, car les priorités de ta chef de meute ne sont pas forcément les tiennes. Pire, si elle est stupide, il y aura forcément des répercussions négatives dans ta vie, tant professionnelle que relationnelle. Tu réaliseras bien trop tard ce que cette association a fait de toi. Alors n'aie pas peur de couper les ponts avec tes soi-disant amis. Je vais parler de ceux qui montrent leur vrai visage au moment clé de ta vie. Tu constateras rapidement qu'en changeant de voie, tu en trouveras d'autres bien plus intéressants. C'est pourquoi je te conseille de prendre du recul au plus vite, afin de réfléchir à ta vie, tes principes et à ce que tu ferais s'il n'y avait pas toutes ces entraves. Une fois que tu as les idées claires, fais ce qui t'emplit de joie. N'hésite pas non plus à effectuer les modifications qui s'imposent. Si ton boulot t'ennuie, change, car contrairement à l'adage, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Si ton compagnon t'emmerde, remplace-le par une version compatible. Si tu as envie de faire de nouvelles expériences sexuelles, jette-toi à l'eau, et cela même si tu réalises tardivement que tu es attiré par des femmes ou que les copains de ton fils te font frissonner les ovaires. Crois-moi, il est pertinent de tenter une nouvelle sensualité plutôt que de refouler continuellement tes désirs. Je précise que le bonheur, ça ne fait pas mal, contrairement à la tristesse et au désespoir que peut engendrer le fait d'être passé à côté de ta vie. Bien sûr, il va te falloir assumer d'être heureuse dans un monde où le pessimisme est devenu la norme. Néanmoins, il serait vraiment idiot de t'attarder en enfer quand le paradis te tend la main. Car le bonheur, c'est simple comme un orgasme. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.